الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ثم إن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه المتكاثرة وآلائه الجسيمة أن شرع على هذه الأمة الكريمة من مواسم الخيرات والطاعات والبركات ها وقد خرجنا من موسم شهر رمضان وأمامنا موسم عظيم موسم كريم حج وقت حج بيت الله الحرام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا أجمعين حج بيت الله الحرام كل ذلك يا عباد الله لنتزود ليوم القيامة لنتزود ليوم المعاد فرض الله سبحانه وتعالى الحج مرة واحدة في العمر فقال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذه الفريضة بأنها ركن من أركان الإسلام فقال كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس إلى أن قال وحج بيت الله الحرام فالحج يا عباد الله هو الركن الخامس من أركان الإسلام فالذي له قدرة عليه فلا يتأخر ولا يتكاسل فإنه يرجع عليه بالخير والبركات والمنافع والحج يا عباد الله مدرسة إيمانية تربوية علمية أخلاقية جامعة ويتفاوت الناس في تلقي الدروس في هذه أو في هذا الموسم العظيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن للحج استغرب إبراهيم ذلك ماذا عسى يبلغ صوته إلا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فنشاهد أن الناس يأتون للحج من أنحاء العالم والحمد لله رب العالمين من أنحاء العالم والحمد لله رب العالمين ومن أعظم دروس الحج وفوائده وثماره ما فيه من تحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى بيّن من منافع الحج هذه نواهي وهذه أوامر وبهذين الأمرين يتحقق تقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة حث عظيم على الاجتهاد في طاعة الله والتزود ليوم الرحيل والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى خيفة عذابه والحج يكثر من التلبية وهي كلمة إخلاص وإذعان واستجابة لله سبحانه وتعالى من خروجه من الميقات يكررها ثم بين المشاعر. وهذه التلبية تعلمك الاستجابة لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، حبا لك يا رب وتعظيما لأمرك امتثل أوامرك وألتزم بطاعتك. ثم يعلن براءة من الشرك، يعلن براءته من الشرك. فهذه تلبية تعلمنا إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فكأنه هو الملك وحده المنعم وحده، فهو المستحق أن يعبد. فلا تصلي إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا منه. وهكذا قل في سائر أنواع العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وفي الحج تذكير ليوم المعاد ولعرصات ولأرض المحشر، فترى جميع الناس على هيئة واحدة في وقت واحد في مكان واحد، فكيف بجمع الناس ليوم القيامة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى يلطف بنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب علينا أجمعين حج بيته الحرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. وبعد، فمن الغرب يخفض الله سبحانه وتعالى سنوه le fait qu'il nous ait légiféré dans certaines périodes de l'année des moments dans lesquels nous redoublons d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela afin d'ajouter piété à notre piété et de prendre nos provisions pour le jour du jugement dernier, pour tout ce qui aura lieu après la mort et la résurrection, le jugement puis la destination finale de chacun. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir légiféré le jeûne du mois de Ramadan par sa grâce, il nous a également légiféré un grand moment qui vient peu de temps après. Ce grand moment sont les jours du pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire ceci une fois dans notre vie, comme il nous le cite dans le Coran sous la traduction approximative des sens de ce verset. Et Allah a ordonné le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, à la Mecque. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous montre l'importance de cette action et de cette adoration. Il nous dit que l'islam repose sur cinq grandes fondations, cinq piliers. Et il nous cite le cinquième pilier comme étant le pèlerinage à la maison sacrée. Le pèlerinage est une école dans laquelle on s'éduque, dans laquelle on augmente notre foi, on améliore notre éducation, nos connaissances, nos comportements. Et les gens dans cela se concurrencent. Ce n'est pas toute personne qui effectue le pèlerinage qui sort avec ses fruits cités ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran, dans Surat al-Hajj, dans la sourate qui porte ce nom, selon la traduction les pèlerinages. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à Ibrahim de faire l'appel et d'ordonner aux gens de venir faire le pèlerinage. Puis il nous cite qu'ils viendront à pied ou sur leur monture de toute contrée éloignée, afin de témoigner de tous ses bénéfices et d'en profiter. Ibrahim alayhi salam a donc reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire l'adhan, de faire l'appel et d'informer les gens qu'il y a une demeure ou une maison, qu'il y a le Kaaba et qu'Allah Azza wa Jalla ordonne d'y venir faire le pèlerinage. Il a été cité dans certains récits qu'Ibrahim alayhi salam s'est étonné et a dit: comment est-ce que ma voix pourrait atteindre les gens alors qu'il n'y a personne ici? Mais Allah Azza wa Jal est parfaitement capable et a fait parvenir cet appel dans le monde, et nous témoignons au jour d'aujourd'hui que les gens accourent vers la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal de toutes parts et de tout continent. Et parmi les meilleures leçons à tirer du pèlerinage et les meilleurs fruits, la concrétisation de la soumission devant Allah Azza wa Jal ainsi que ses ordres, le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans certains versets de Sourate Al-Baqarah des textes relatifs au pèlerinage, et il nous montre dans cela que celui qui accomplit le pèlerinage devra s'éloigner de toute perversion, de tout débat dans lors du pèlerinage. Et puis il nous enseigne, selon la traduction des sens, qu'il n'y a pas un bien que vous ferez sans qu'Allah le sache. Il a donc rattaché l'action à sa science, et il y a dans cela l'information de la récompense. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sait ce que vous ferez comme bien, donc il vous récompensera. Puis il nous ordonne de prendre nos provisions et nous informe que la meilleure des provisions est la piété. Et enfin, il conclut en nous ordonnant encore une fois la crainte. Il nous demande de le craindre, il nous ordonne de le craindre pour ceux qui sont doués d'intelligence. Dans ce verset, on voit qu'il y a des ordres et qu'il y a des interdits. Et c'est ainsi que se concrétise la piété, en faisant ce qu'Allah Azza wa Jal nous a commandé et en délaissant ce qu'il nous a interdit. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ce bas monde est voué à disparaître et que seul restera avec la personne ses provisions. Et la meilleure des provisions est la piété. La personne doit donc se préparer pour le jour où elle reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il lui a commandé et en délaissant ce qu'il lui a interdit. Durant le Hajj, tu t'éduques sur la sincérité, sur le fait de te soumettre à Allah et de faire les actes d'adoration, ne recherchant à travers cela que sa noble face, ne recherchant à travers cela que sa récompense. Car tu prononces à partir du miqat, tu prononces at-talbiyah. Tu prononces cette talbiyah et c'est une parole enfermant le monothéisme pur, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à son droit. Tu dis, tu réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal et tu lui dis que tu lui réponds et que tu accours vers lui le cœur rempli d'amour et de soumission. Tu émancipes son ordre et tu te montres soumis à lui et tu t'efforces de lui obéir. Celui qui se comporte ainsi, Allah Azza wa Jal lui accordera la réussite durant son pèlerinage et après celui-ci. Et il y a un grand rappel dans les versets du Hajj et dans le déroulement du Hajj quant à la fin de chacun d'entre nous et à la finalité de chacun d'entre nous, c'est-à-dire la résurrection des corps et des âmes, la réunion de l'ensemble des créatures sur la plage du jugement dernier pour paraître et comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement. Lorsque les gens se retrouvent tous à Arafah, ils sont tous unis sur une seule et même place, ils sont tous vêtus de la même manière, et depuis le miqat, ils ont enlevé tout vêtement cousu. Les hommes ne portent que deux étoffes, une partie pour couvrir la partie inférieure de leur corps et une autre pour couvrir la partie supérieure. Ils se rappellent donc qu'ils sont tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par la piété et les actes d'adoration. Tu vois le riche et le pauvre vêtus de la même manière. Tu vois le président, le roi et le gouverneur habillés de la même manière que le gouverné. Tu vois le grand et le petit habillés de la même manière. Il y a dans cela un rappel pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et à la fin des versets, de ces versets, Allah Azza wa Jal nous rappelle la piété et le jugement, ou la piété et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc à qui Allah Azza wa Jal a accordé son plus grand parmi les bienfaits, l'islam, celui à qui il a donné la raison, celui à qui il a donné la capacité qu'il s'empresse d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, ceci est une obligation et il n'a pas le droit de la repousser. Quant à la femme, il y a une condition supplémentaire, c'est wujud ou al-mahram, c'est la présence du mahram, elle doit voyager avec un homme de sa famille. Et celui qui a accompli le pèlerinage, qu'il s'attende à être honoré de la part d'Allah Azza wa Jal, car c'est l'invité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, selon la traduction approximative, les pèlerins et ceux qui effectuent l'Umra sont une délégation, sont les invités d'Allah. Il les a appelés, ils lui ont répondu. Ils l'ont invoqué, ils l'ont invoqué et il les a exaucés. Ceci car ils sont venus pour obéir Allah Azza wa Jal. Ils ont délaissé leur famille, leurs enfants. Ils ont délaissé leur foyer. Ils ont délaissé leur tranquillité, leur repos pour accomplir ce long voyage et cette lourde responsabilité à travers laquelle Allah Azza wa Jal les honorera. Aussi le prophète alayhi salatu wa salam nous cite que parmi les mérites du pèlerinage, Al-Hajj yahdimu ma qabla. Le pèlerinage efface tout ce qui est passé, c'est-à-dire comme péché et comme faute. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit également Al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le pèlerinage correctement accompli n'a d'autres rétributions, d'autres récompenses, si ce n'est le paradis. Et dans notre hadith, selon la traduction, la personne revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Et durant le pèlerinage, la personne, lorsqu'elle sort de chez elle, ne fait pas un pas sans que à travers cela, Allah Azza wa Jal lui donne une bonne récompense et lui efface un péché. Comme cela a été cité dans le recueil d'Ibn Hibban, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque pas de chez toi, jusqu'à Mecca, jusqu'à Baytullah al-Haram, on t'efface un péché et on t'inscrit une bonne action. Aussi, lorsque la personne fait les deux unités de prière après le Tawaf, on la récompense comme si elle avait affranchi un enfant parmi les enfants, les captifs d'Ismaïl ou des fils de Ismaïl. Et lorsque la personne fait As-Sa'i, c'est-à-dire les allées entre As-Safa et Al-Marwa, les sept allées, on lui pardonne 70 grands péchés. On lui pardonne 70 grands péchés. Et lorsque la personne prend la station le jour de Arafat, se met dans l'endroit de Arafat, le meilleur jour, le jour le plus important du pèlerinage, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَ. Allah descend au ciel de ce bas monde et il se vante d'eux auprès des anges. يقول عبادي جاءوا شعثا من كل فج عميق. Il dit سبحانه وتعالى sur la traduction des sens, voici mes serviteurs qui sont venus tout ébouriffés de toute contrée éloignée. يرجون رحمتي. Ils espèrent ma pitié et ma miséricorde. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو زبد البحر لغفرتها. Si vos péchés étaient équivalents ou aussi nombreux que les graines de sable ou que les gouttes de pluie ou bien que tout l'écume de la mer, je les pardonnerais. Afiru ibadi maghfura lakum wa liman shafa'tum lah. Déferlez, ô mes serviteurs, je vous ai pardonné à vous ainsi qu'à ceux pour qui vous intercéderez. Puis lorsque la personne jette les pierres, pour chaque pierre qu'elle jettera sur les stèles, il lui sera pardonné un grand péché. Puis lorsque la personne se coupera les cheveux, se rasera la tête, pour chaque cheveu, on lui pardonnera des péchés ou on lui inscrira des bonnes actions. Ensuite, lorsque la personne sacrifiera le jour du sacrifice, elle a dit la bête durant le pèlerinage, le prophète alayhi salatu wa salam dit hada madhkur lakum, que ceci a été gardé secret pour vous, c'est-à-dire que la récompense est énorme. La récompense est énorme. Ensuite, lorsque la personne finit son pèlerinage, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'il y a un ange qui vient, il met sa main entre les épaules du serviteur et il lui dit, il t'a été pardonné tous tes péchés passés. Il t'a été pardonné tous tes péchés passés. Voici une partie des récompenses qu'Allah Azza wa Jal a préparées pour ceux qu'il a comblés de par l'accomplissement du pèlerinage. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا أجمعين بحج بيت الله الحرام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجزي خيرا المتصدقين، اللهم اجزي خيرا المتصدقين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une grande récompense à tous ceux qui ont dépensé de l'argent pour la mosquée, particulièrement pour les Algéco qui sont en train d'être installés, et celui qui peut donner encore, Allah Azza wa Jal le récompense. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'ai été informé que certaines personnes priaient devant l'imam, à ma gauche. Naam, ceux qui sont sur le côté, à ma gauche, il m'a dit que certaines personnes priaient devant l'imam. Sachez que beaucoup de savants disent que la prière faite devant l'imam est batila. Sachez que beaucoup de savants disent que la prière faite devant l'imam est batila. Donc cherchez une place sans dépasser naam, l'endroit où se trouve l'imam. Jazakumullahu khayra, walhamdulillah.